إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc je tiens à continuer cournois. Ça nous a commencé déjà depuis un bon bout de temps, mais bon, nous pas de gain temps continuer quoi, parce qu'on était gain en pile l'autre projet, nous avons travaillé sur yo. Là, Inch'Allah, n'a pas continué. N'a pas commencé coup numéro 3, Inch'Allah, je tiens. Et puis, n'a pas essayé compléter coup ça, Inch'Allah. Donc, n'a pas continué dans le livre, Cheikh Ibn Baz, c'est La Bonne Croyance, hein, Al-Aqidatu Sahiha, wa ma yudadduha, et ça qui oppose lui. La Bonne Croyance et ça qui est en opposition avec lui. Donc n'a pas commencé. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتا بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض، وعملوا بالأدلة كلها، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل سعيه أو بذل وسعه في ذلك، وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية. Donc, qui sait Cheikh l'a expliqué là, Kounia l'a dit que Ahlus Sunnah wal Jama'a, moun kap accroché yo à Sunnah Prophète là, et à groupe musulman original là, ça qui t'est venu en premier, c'est-à-dire, là nous dit Al-Jama'a, le groupe. Hein, c'est pas n'importe qui groupe, c'est en réalité, n'a parlé de Sahaba, de compagnons prophètes là. C'est eux-mêmes qui étaient avec lui, et les prophètes là mourir, lui quitter Sahaba Yosu en seul islam, en seule compréhension de l'islam, et en série de fondements et de principes religieux qui, baillent en sorte de base dans la compréhension de l'islam. Et nous voyons que Sahaba aurait été unis sous croyanciaux, sous principe, yo, yo pas jamais divisé, yo pas jamais dans secte, yo pas jamais dans groupe, yo pas jamais dans problème, excepté des fois, bon, t'es arrivé quelques problèmes, pour des questions politiques, ou bien pour des questions de, qui gagne rapport avec, dirigeance musulmane, yo, pas ça, yo. T'es gagne conflit entre Sahaba, yo, mais conflit ça, yo, pas de gain en rien à voir avec question religieuse par rapport à la croyance ou par rapport à la compréhension de la religion, toute base était là, c'était toute même base là pour tout compagnon prophète là. C'est juste que t'es arrivé quelques problèmes des fois par rapport à certaines questions politiques. Mais malgré divergence que t'es gagné sous question ça, y a pas de jam divisé dans religion hein, parce que tout t'es gagné même principe, y a même fondement. Yo. C'est peut-être ça nous relie au Ahlus Sunna wal Jamaa. Hein, yo réuni tous ensemble sur la Sunna comme Allah t'a ordonné yo. Même Jean prophète là t'a ordonné yo dans un pile hadith. Donc moun sa yo nous relie au Ahlus Sunna wal Jamaa. Mkwen nous t'a déjà expliqué ça dans l'autre cours. Donc qui sa cheikh là a dit la kounia, il dit que moun qui suivent même compréhension sahab que sahaba yo, yo tout gen en façon de pour yo affirmer attribut Allah subhanahu wa ta'ala. Donc yo gon règle, yo gon principe qui très simple, qui très clair, qui s'allie, c'est que tout ça Allah subhanahu wa ta'ala t'a affirmé dans le livre, dans le Coran là, nous affirmer li. C'est-à-dire nous croyons en lui et nous répéter lui, nous dire, nous pas nier ça Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit sous lui-même. Hein? Tout ça le dit sous lui-même, toute description lui fait de lui-même, toute parole lui baille de lui-même, nous accepter lui et nous croyons en lui. Nous pas essayer d'utiliser philosophie grecque ou l'autre philosophie, l'autre peuple ou l'autre religion yo, pour nous essayer changer signification attribut Allah yo. Non, nous quitter attribut Jean yo et nous croyons en attribut Jean yo. Jean Allah subhanahu wa ta'ala t'a expliqué yo. Et même bagaille là, nous fait ça tout avec sunna prophète là. Hein? Sa prophète là t'a affirmé dans sunna li, c'est-à-dire dans hadith yo qui est authentique à propos de Allah subhanahu wa ta'ala. Faut nous croire dans hadith ça yo, il faut nous accepter attribut ça yo, puis description que prophète là t'a bail sous question ça yo. Donc nous obligés hein, en tant que croyants, en tant que musulmans sur la sunna, nous obligés à affirmer tout attribut Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous affirmer attribut yo, nous affirmer yo, mais nous pas dit, par exemple, nous pas croire que gain tamthil. Là nous dit tamthil, qui ça le signifie? Il signifie que qui ça tamthil là signifie? Il signifie là où dit que on bagaille semblait en l'autre bagaille. Là où dit par exemple machine Muhammad lui semblait machine Zayd, hein? Son exemple pour nous faire nous comprendre que ça tamthil là signifie, hein, nous dit machine lien même genre avec machine l'autre partenaire. Bon, c'est son exemple. Donc ça c'est sacré les tamthil. Nous faisons comparaison entre un bagage et un l'autre. Eh ben, l'un nous dit que nous croyons attribut Allah yo, faut nous affirmer yo, même genre Allah subhanahu wa ta'ala t'a affirmé yo. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit que le gain on met, faut nous croire que Allah subhanahu wa ta'ala gain on met. S'il dit que le gain Dieu, faut nous croire que le gain Dieu. S'il dit que le gain, par exemple, aux paroles, que la parole, eh ben, faut nous croire que les gains attribuent la parole, là. Hein? Les palais, l'élevé et j'enlevé. Hein? Et, les Allah subhanahu wa ta'ala dit nous que les élevés et qui les montés au-dessus du trône lit, eh ben, faut nous croire que Allah subhanahu wa ta'ala monté au-dessus du trône lit, et puis que les gains attribuent ça. Et, les prophètes, non, sallallahu alayhi wa sallam, dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend dans chaque dernier tiers de la nuit, hein, les descend au dernier des cieux et les mandé tout mounio, tout serviteur lio. Est-ce que nous gain on bagaille pour nous mander pour me répondre nous? Est-ce que nous besoin mander pardon pour que me pardonner nous? Hein, bon, ça sont exemple que prophète la baye. Faut nous croire dans le hadith ça, nous pas de nier attribut ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'ab descend, faut nous croire que l'y descend. Sauf que, gon règle, faut nous respecter, l'en nous croire et l'en nous pas expliquer attribut ça, yo. Hein? Même Jean, par exemple, que nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui l'a vu, c'est-à-dire que les kawé nous, que les tendez nous, hein, les gants oui, les qu'attendez, nous croyons également que Allah subhanahu wa ta'ala, les gants ilm, c'est-à-dire les gants science, les gants connaissance, hein, infinie. Nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, les gants sagesse. Nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, les gants puissance, que les gants sagesse. Que les gains ont volonté, hein, al-irada, donc tout attribut ça nous croyons en eux, même si, par exemple, dans être humain, yo, gain, être humain qui gagne, dans attribut ça yo, mais faut nous croire que, l'un n'a pas parlé de Allah subhanahu wa ta'ala, et l'un nous mentionner que le gain attribut ça yo, faut nous comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous pas qu'à comparer lui avec création lui. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala li gen on vu, c'est-à-dire li kawe, et nous-mêmes tous nous kawe, et animaux yo kawe, mais entre vision Allah subhanahu wa ta'ala et vision être humain yo, pas gen comparaison qui possible. C'est-à-dire que vision être humain, son vision qui est limitée. Les gon limite, les pas kawe tout bagay, les pas kawe en distance loin, les pas kawe tout détail, les pas kawe sac très petit, les pas kawe sac très loin. Donc, gon limite. Animaux yo, gen animaux qui gen l'autre vision, qui pi fort passer vision être humain yo, par exemple, gen sort oiseau qui kawe, le yo dans le ciel, yo yap gade sous la terre, yo kawe, ti, rat ou ka souri ou bay ka couri sur la terre, yo juste descend et yo prend yo manger yo. Bon, gen oiseau ka voler au-dessus de la mer, là yo un poisson au-dessus de l'eau, yo juste tomber sous lui puis là yo manger non l'eau parce que yo ka wè depuis en haut. Tandis que être humain yo gen une limite, hein, gen animaux yo wè dans le noir, hein, gen une catégorie de animaux, là yo dans la nuit, yo ka wè non noir yo ka wè tout sa gen autour yo ka chasser l'autre animal yo, l'autre bête yo si yo vle. Être humain yo pa ka fè ça, hein, gen animal yo y a vive nan la mer, yo ka wè dans le noir, gen un pile bay comme ça. Nou pa ka comparer vision être humain yo avec vision animal yo, son l'autre catégorie, son l'autre bagaille, nou pa ka fè comparaison. Et ben si gon différence entre attribut être humain et attribut animaux, eh ben ça nous qu'a dit entre distinction ou différence que gagne entre attribut être créature et attribut créateur. C'est encore une différence la plus grande encore, parce que pas gagne ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala dans attribut yo et entre attribut créature. Allah subhanahu wa ta'ala les confusions qui infinie. Les gens, oui, qui est infini, c'est-à-dire que les pas gain ont limite, ou pas qu'à comparer en être humain, gens, la ouais, et Allah subhanahu wa ta'ala qui j'en loué, hein. Les gens vision qui, qu'a ouais toute bagaille, hein, lui ouais toute bagaille, même dans le noir, même côté, même l'élit au-dessus de trône lit, lui qu'a ouais toute sa cape passée sous la terre, tout ça qui a passé à l'intérieur de la terre, tout ça qui a passé dans l'univers, les kawé, tout ça n'a fait les kawé, tout détail création, pas rien qui caché de lui-même. Bon, et même bagaille avec oui, les Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de que lui qu'attendait tout bagaille, que lui attendait tout le monde, hein, que même si on a parlé tout bas, on a bay ou à chuchoter avec un monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il qu'attendait lui, même si l'autre monde qui est bon côté ou, pas qu'attendait ou, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il qu'attendait ou, hein, et même ça, ou gagne en cœur ou, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît lui, hein, même si, ou à essayer de cacher ça ou gagne en dedans, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il qu'attendait lui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, c'est le maître de l'univers, hein, et donc, faut nous accepter Jean l'était décrit personne lien, et faut nous croire dans ça. Bon, mais nous pas essayer de comparer. Nous, là, nous dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il mais, nous dit, bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il gon mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas qu'à comparer avec mais en créature. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset, laïsa kamithlihi shay, wa huwa sami'ul basir. Hein? Pas grand rien qui semblait lui, ou qui comparable avec lui. Et c'est lui-même qui le tout puis c'est-à-dire Samir, c'est lui-même qui tendait toute bagaille, puis Al-Basir, c'est-à-dire c'est lui-même qui ouait toute bagaille. Donc, nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, et nous affirmer ça, Allah t'a affirmé, et nous affirmer ça, prophète l'a affirmé, mais nous pas croyons, ou nous pas faire en comparaison, ou en ressemblance, par exemple, entre créature puis Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qui ça? Parce que créature faible. Créature limitée, créature imparfaite, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, son créateur parfait, hein, c'est un maître parfait, il n'a pas gain imperfection, il n'a pas gain défaut, il n'a pas gain faiblesse, et donc nous pas qu'à comparer ça qui est faible avec ça qui est tout puissant, nous pas qu'à faire comparaison comme ça. Donc c'est peut-être ça, toute imperfection dans créature, toute limite que créature gagne, toute faiblesse que créature gagne, nous purifie Allah subhanahu wa ta'ala de bagay sa yo. Et nous pas gain droit d'écrire Allah subhanahu wa ta'ala excepté avec attribut qui parfait, attribut de perfection absolue. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même qui le maître de toute bagay, qui crée toute bagay, et c'est lui-même qui gagne toute plus belle attribut, plus belle, plus beau nom yo. Et donc, faut nous comprendre bagay sa yo, parce que c'est très important. Donc, ça c'est un exemple que nous pas gain droit faire en ressemblance. C'est-à-dire, si on moun commence à dire Allah gain on main et mais Allah subhanahu wa ta'ala lui même genre avec main noir, eh ben nous dit ça son bail qui kouf, ça son bail qui shirk. Nous pas gain droit comparer Allah subhanahu wa ta'ala avec en créature. Si on moun dit Allah subhanahu wa ta'ala lui gain en science, et on nous dit que science Allah subhanahu wa ta'ala c'est même avec connaissance ou science en être humain, nous dit non, hein, ça sont shirk ou son kufr, parce que wap fait Allah subhanahu wa ta'ala comparer Allah subhanahu wa ta'ala avec créature, et ça sont insultes wap fait en imperfection wap by Allah subhanahu wa ta'ala. Si on nous dit par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il y a fait ressemblance, il y a plus fait comparaison, ben, nous-mêmes, nous, pas quoi dans ressemblance ça y est, et dans comparaison ça y est, parce que nous pas qu'à, comme, même Jean Samte Sot dit, que nous pas qu'à faire comparer ça qui est parfait avec ça qui est imparfait. Donc ça, c'est un exemple, et un principe que, Ahlus Sunnah wal Jama'a, suivent et respecté principe ça, mais bon, l'autre principe tout. Ça, c'est un extrême. Tamthil là c'est un extrême, et qu'on l'autre extrême tout qui est le ta'til, hein? Et un ta'til qui s'allie gen moun le yowe que gen moun qui est garé qui a parlé de Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait comparaison entre Allah subhanahu wa ta'ala et créature, bon yo même le yo tende ça, yo tombe dans l'autre extrême, yo dit bon moun sa yo même y a fait comparaison entre Allah subhanahu wa ta'ala et créature. Bon, nous-mêmes, nous pas voulons tomber dans le bail ça. Donc, qui ça y a fait? Ils ont commencé à tomber dans l'autre extrême, non? C'est-à-dire que, là où est que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit qui j'en lien, la bail description de personne lien de qui j'en lien, hein? Là, il dit par exemple que, les gens ont la parole, ou bien là il dit que il gagne main, hein, il décrit qui j'en lié, hein, il dit que il monte sous trône, il tout ça tout bagay ça yo, et gagne l'autre attribut tout. Bon, là Allah subhanahu wa ta'ala dit bagay ça yo, yo même qui ça yo dit, yo dit mais non, nous pas qu'à dire bah ça, si nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala gon main, ça veut dire que n'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala gon ressemblance, donc faut nous nier attribut ça yo, nous pas le droit de dire. Hein? Même si Allah te dit dans le Coran, même si le prophète là te dit dans Sunna, hein, et ben faut nous nier attribut ça yo, faut nous interpréter yo avec on l'autre signification. Hein? Et qui ça yo fait par exemple? Là yo tendez Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah subhanahu wa ta'ala qu'on met, nous même yo dit ah non, nous pas qu'à dire ça. Si nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala qu'on met, bon, ça veut dire que main ça c'est même genre avec main être humain yo. Et si nous dit que Allah gagne au même genre avec être humain yo, bon ça veut dire que n'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala avec description ou attribut créature. Donc faut nous nier attribut ça et nous avons l'autre mot pour nous interpréter ou on l'autre façon pour nous interpréter attribut ça. Donc qui ça yo fait? Yo dit la main, nous-mêmes nous pral dit que c'est pas en main son puissance, hein. Donc là yo tendez par exemple on moun k'ap dit Allah Allah a dit dans le Coran yadullahi fawqa aydihim, ou bien là yo tendez Allah subhanahu wa ta'ala k'ap dit bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Là yo tendez verset ça yo dans le Coran, là yo tendez que Allah subhanahu wa ta'ala a dit الرحمن على العرش استوى, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala est monté au-dessus de trône lit, ou bien l'ayotant dès que Allah subhanahu wa ta'ala dit que le grand ouvert que la baille tout risque à toute créature, toute subsistance, c'est lui même cap baillot que la générosité que le pas avant, même ça même gens ça juif yo t'ai accusé Allah subhanahu wa ta'ala que lui avant que lui pas baille serviteur lieu de richesse li, et bien Allah subhanahu wa ta'ala dit non, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, hein, li gen deux mains et deux mains yo grand ouvert et li bail de subsistance li j'en vle, hein. Donc li répond yo et li montre, li affirme que li gen mains, deux mains qui grand ouvert, hein. Et même j'ai avec l'autre exemple que m'te bail Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que les gens jouent tout, hein, tajri bi ayunina, hein, il y a l'autre verset tout qui a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala les gens yeux, eh ben yo même yo commencé les autant de bails, ça dit ah non, faut nous dire on l'autre bagaille, yo dit la main, les autant des mots main, hein, nous pas dit que ça c'est une main. Nous pourra, parce que yo essayé imaginer dans tête yo qui jamais un yé, qui jamais Allah subhanahu wa ta'ala yé, et là yo imaginer dans tête yo imaginer un main qui semble avec main être humain yo, hein. Bon, et ben nous même nous dit non, nous pas que droit faire ça, nous pas que droit essayer imaginer Allah subhanahu wa ta'ala qui j'en yé, parce que nous pas connaît réalité attribut Allah subhanahu wa ta'ala yo. Donc les Allah subhanahu wa ta'ala dit que le qu'on met, pas de monde qui veut mettre ça, pas de monde qui veut qui j'en lis exactement, donc pas de monde qui, et Allah subhanahu wa ta'ala pas dit nous qui j'en mets, donc nous pas de droit essayer imaginer lui ou comprendre qui j'en lis, parce que Allah subhanahu wa ta'ala son être parfait infini, nous pas qu'à comparer lui avec un être humain ou un animal, hein. Donc les nous comprendre ça. Yo même yo qui ça yo fait, yo dit bon, là Allah dit que li gen en main, nous pral dit li gen en puissance, ou bien nous pral dit que c'est grâce de grâce li que l'a parlé, hein, que Allah gen en grâce. Mais bien entendu toute interprétation yo ça interprétation ça yo pas fonctionné bien, parce que pour que ça pas fonctionné, parce que premièrement en arabe c'est pas mot ça yo ou attribut ça yo, c'est pas ça yo vle di. Le ou dit en arabe on met, c'est pas nécessairement en puissance ou bien en grâce. Et de toute façon Allah subhanahu wa ta'ala utilisé la forme plurielle ou duelle les l'a expliqué attribut ça yo, donc c'est pas logique ou c'est pas possible les on moun a expliqué par exemple Allah dit que le gain deux mains et ou même ou vin dit puissance, que lui signifie puissance, parce que de toute façon, hein, Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas deux puissances li gen, c'est en infinité, c'est en puissance infini le gain. Donc, ou pas qu'à dire, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala gagne deux puissances, ou bien deux grâces. Non. Ou pas qu'à calculer grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Même Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même, dans l'autre verset, il dit, wa in ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsuha. Et soit essayer de calculer grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, t'es by nous, ou pas capable de calculer tout, parce que nous, infini, ou trop grande, ou innombrable. D'accord? Donc, interprétation, ça est fausse. Et pour qui ça, il a essayé de déformer signification, attribut Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que, dans la tête, il a essayé d'imaginer attribut Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il a fait comparaison, ça, eh ben, il a tombé dans un autre péché qui est ta'til. Hein, là, il fait tamthil, il a que, ben, ça, son bail dangereux, ben, il a couru, il a tombé dans un autre extrême, c'est-à-dire, il a fait ta'til. C'est-à-dire, il a nié sens attribut, et puis il a tombé dans une négation attribut. Et ça, bien entendu, sont l'autre forme de kouftou. Parce que vous n'avez pas le droit de nier, ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Vous n'avez pas le droit de venir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, bon, moi-même, monter sous le trône, moi, puis vous-même, vous venez, vous dites, non, Allah, vous pas monter sous le trône. Vous n'avez pas qu'à dire le contraire de ça, Allah a dit. Hein? Eh bien, vous-même, là, il y a autant des versets qui disent que Allah monte sous le trône, au-dessus de le trône, vous-même, il dit, ça, c'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala a monté sous le trône, que lui au-dessus de création. Non, il n'a pas cru dans ça, il n'a pas accepté ça. Il a dit, non, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, eh bien, là, il dit qu'il monte au-dessus de le trône, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui prend contrôle du trône. C'est façon ça, il a interprété, il a dit, istawa bimana istawla. Il a essayé d'interpréter par là pour dire, non, c'est parce que il prend contrôle ou il prend pouvoir de ton néant, il maîtrise ton néant, il domine ton néant. Hein, avant, et donc, savant, savant de Ahl Sunna, il a réfuté mon bid'a, qui ça yo dit? Il dit, mais qui j'en, nous qu'a nié réalité mon istawa, tout le monde connaît ça, il l'a dit, hein, que c'est, ça veut dire que, on monte sous un bagage, au-dessus de un bagage. Hein, mais là, nous dit que Allah monte, nous-mêmes, nous pas qu'à venir dire, c'est un monde qui vient dominer ou prend le contrôle. Parce que, qui est-ce qui a contrôlé le trône avant Allah subhanahu wa ta'ala? On ne peut pas qu'à dire un bagage comme ça. Pour qui ça? Parce que, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas un monde qui prend un contrôle de un bagage sous lui. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, là, nous connaissons que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui est tout puissant. Pas qu'un monde qui a opposé Allah subhanahu wa ta'ala. Même le diable, hein, diable, hein, eh ben, son créature, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est faible devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui est minable devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas qu'à faire rien devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas qu'à paraître devant Allah subhanahu wa ta'ala, hein, si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il a détruit Shaitan, Iblis, je le voulais. Sauf que l'Ibali en termes jusqu'au jugement dernier pour le quitter. Hein? Bon, mais il y a des gens qui pensaient que le diable sont l'autre opposé de Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Le diable, ce n'est pas un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala opposé. Non. Hein? C'est une créature de Allah subhanahu wa ta'ala qui fait son djinn lié, mais ce n'est pas un Dieu lié, hein. Tant qu'on gagne monde dans la religion zoroastrienne, yo croit que grand Dieu du bien et un Dieu du mal, hein. Nous-mêmes, nous pas dit ça. Grand seul Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça qui vient en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, sont créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui crée elle. Donc c'est lui-même qui crée tout diable, yo. Mais, et c'est pour dire que, même diable, yo, pas qu'à prendre contrôle, trône Allah, hein, trône ça, c'est trône Allah subhanahu wa ta'ala, pas quelqu'un qui a contrôlé lui. Donc, qui j'en, ou qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala prend contrôle trône là, et que après ça, lui vient prendre contrôle trône là, et que avant le pas de gain, hein. Même j'en, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué que, hein, comme ça, Cheikh l'a expliqué, que Allah subhanahu wa ta'ala crée c'est lui-même qui crée les cieux et la terre, en six jours, puis ensuite lui monter au-dessus du trône. Donc, ils ont même dit ça, ça veut dire que lui prend contrôle du trône. Nous disons nous-mêmes, non, c'est ça, c'est pas signification. Attribut istawa, faut accepter Allah subhanahu wa ta'ala, Jean le dit. Hein? Et ça, compagnon prophète, non, c'est, il était comprendre ça bien, il était comprendre ça bien, et il était affirmé attribut Allah subhanahu wa ta'ala, sans problème, il n'y a pas de jambe, il y a hésitation ou doute au sujet de description Allah te baille de lui-même, ou bien description que le prophète la te baille de lui-même. Et il n'y a pas essayé de faire ressemblance, ou il n'y a pas essayé de nier réalité attribuée, il suivre même principe, même voie, hein, il n'y a pas utilisé philosophie ou baïsa pour essayer d'interpréter le Coran, il a juste accepté parole Allah subhanahu wa ta'ala, Jean, parole. Donc, qui s'écrivait après, Cheikh l'a dit, que, donc, là, il suivent principe ça, principe que nous affirmer tout ça, Allah t'a affirmé pour lui-même, et ça, prophète l'a t'a affirmé, nous affirmé lui. Et, même Jean, Cheikh l'a pas mentionné là, mais son principe qui est expliqué dans l'autre côté tout, dans l'autre livre, il a dit que, et ça, Allah subhanahu wa ta'ala t'a nié, nous nié lui. Hein? Ça, Allah t'a affirmé à propos de attribut lui, nous affirmé lui. Ça, prophète là, t'a affirmé, nous affirmé lui. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala t'a nié, nous nié lui. Et ça, prophète là, t'a nié, nous nié lui tout. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit que, l'ipagain petit. Hein? L'ipagain enfant, ou l'ipagain fils, ou l'ipagain petit. Donc, nous nié le tout. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui pas gain fatigue, hein, lui pas dormi, nous nier sommeil, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui pas manger, eh ben, nous nier manger, hein. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, mentionné que lui pas oublié, nous dit bon, Allah subhanahu wa ta'ala lui pas oublié. C'est, by imperfection, yo, nous nier ça, Allah te nier. Toute imperfection, yo, nous nier, yo. Hein, et nous pas affirmer. En imperfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Allah t'a nié, nous nié. Ça, Allah t'a affirmé, nous affirmé. Et ça, c'est en principe, en même temps, nous pas fait tamthil et nous pas fait ta'til. Nous pas fait ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et création lui, et en même temps, nous pas nié réalité attribuée. Donc, nous sauver de contradictions et nous accepter toute preuve et toute texte qui rapporté dans le Coran ou dans la Sunna authentique au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à l'autre groupe innovation, hein, comme les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiya, hein, eux-mêmes, ils ont tombé dans contradiction, ils ont affirmé en partie, ils ont nié en l'autre, et ils ont pas qu'à, qui est des droits de son principe parce que ils ont suivre on voit qui innover qui pas fait partie religion hein, son bas qui que yo inventé après mon prophète là y a suivre philosophe y a suivre chrétien y a suivre juif y a suivre l'autre religion yo et yo tombé dans l'égarement à cause de ça. Donc alhamdulillah, ça c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour c'est ça que Cheikh l'a expliqué, c'est que les hommes ont accroché tête à texte, révélation, hein, dans le Coran, dans le Sunna, et bien, Allah subhanahu wa ta'ala, bah, yo protection, puis protéger yo pour yo pas tomber dans l'égarement. Hein? Et c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala fait, les hommes ont accroché à la vérité, hein, la vérité que Allah t'a voué avec le prophète Pio, et que les hommes ont fait un pile effort. Et que là, essayer sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la recherche de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala baili succès pour joindre vérité à et li baili preuve yo pour le cas affirmer et prouver que c'est la vérité que l'a suivre. Et Cheikh l'a mentionné un verset qui dit bal naqdifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa za'iq. Zahiq. Qui ça veut dire? Ça, c'est un verset, c'est le verset 18 dans Surat Al-Anbiya, c'est-à-dire la Surat des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ça, que Allah subhanahu wa ta'ala lui jetait, lui lançait vérité à sous foa et l'écraser, hein, vérité à craser mensonge là et fausseté à, et après fausseté à vin disparaître, hein, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans le verset ça. Et il mentionne dans l'autre verset, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Il dit que tout le monde parmi mushrikin yo, parmi moun kap adore l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, si yo vini, si yo vini, yo vini well avec on parole qui fausse ou un bay qui faux, hein, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même avec Coran nan la bay la vérité nan Coran nan nan sunna pour ou ka répondre à mensonge ça et fausseté ça, et puis ou pas venir avec on explication qui puis faut passer ça yo à essayer expliquer. Donc ça c'est un exemple que Allah subhanahu wa ta'ala te bay que tout mensonge yo venir avec lui, et ben Allah subhanahu wa ta'ala pas prend bon la vérité qui ka craser mensonge ça. C'est dans sourate Al-Furqan, le discernement, le verset 33. Allah subhanahu wa ta'ala, après Cheikh l'a dit que Gon Imam, l'imam Ibn Kathir, son grand savant de l'islam, lui écrit en commentaire du Coran, hein, en explication du Coran, qui relaie tafsir al-Coran al-Azim, et son tafsir, c'est-à-dire une interprétation du Coran qui est très connue, qui est très célèbre, et livre ça, dans livre tafsir ça, il y en a son référence, les ça. Bon. Et dans tafsir ça, l'a expliqué en verset, c'est-à-dire le verset 54 dans Surat Al-A'raf. Eh ben, l'immention des versets, hein, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, c'est lui-même qui crée les cieux et la terre en 6 jours, hein, puis ensuite lui monter sous trône lit ou lui élever au-dessus de trône lit. Donc, Cheikh là, lui-même, lui mentionne une citation, Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir, l'a expliqué verset ça, lui mentionne les paroles, il dit, Kalla, ma hasanan fi, Kalla, ma, pardon, il dit, Kalla, man hasanan fi hadal bab, يحسن نقله ها هنا لعظم فائدته قال رحمه الله ما نصه للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك فيها في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ينفي ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى وانتهى كلام ابن كثير رحمه الله. شيخ الإمام كنيا لا بيكسبليكي. نعم. شيخ ابن كثير شيخ بن باز لا مانسيوني بارول إمام ابن كثير لا بالي Il dit que l'imam Ibn Kathir mentionnait en parole qui est très bon dans le sujet ça qu'il a expliqué à propos de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que n'a mentionné ici à cause de que son parole très bénéfique et il a un grand intérêt. Donc, Inch'Allah, nous va mentionner une citation qu'il t'a mentionnée dans le tafsir lien. Il dit que il y a un pile monde qui a un pile parole au sujet de verset ça, l'a parlé de verset 54 dans Surat al-A'raf. Il dit qu'il y a un pile monde qui parlait sous verset ça, qui dit un pile bagaille, et il y a 7 versets dans le Coran qui mentionnaient que Allah subhanahu wa ta'ala est monté au-dessus de ton lit. Sans parler de l'autre verset qui mentionnait que Allah subhanahu wa ta'ala lit en haut, lit dans la direction en haut, au-dessus de création lit. Donc, Cheikh Landigan, puis le monde qui dit en pile bagaille, et nous pas qu'à entrer dans tout détail, ça, on y a dit à propos de situation ça ou de verset ça. Toutefois, n'a pas mentionné position hein, qui est plus importante, là, c'est position de la voix des salaf salih, c'est-à-dire des pieux prédécesseurs parmi les imams de l'islam des premiers siècles, et il est mentionné en série de noms parmi nos grands savants de l'islam, comme l'imam Malik ibn Anas, et l'imam Al-Awza'i, et l'imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, et l'imam Al-Layth ibn Sa'd, et l'imam Al-Shafi'i, et l'imam Ahmad ibn Hanbal, et l'imam Ishaq ibn Rahouya. Yani, tout imam Sayo, c'était grand imam de l'islam, hein, parmi imams musulmans, dans l'ancien temps, dans le temps passé, et dans le temps présent, t'es toujours un imam musulman qui suivent position salafio et il dit que position qui s'allie c'est que les yo joignent un verset qui décrit Allah subhanahu wa ta'ala yo prend Jean yo joignent texte là verset à, ou bien hadith là Jean yo joignent li c'est comme ça yo prend li yo pas essayer demander qui Jean Allah subhanahu wa ta'ala yé ou comment la montée au-dessus de trône lit ou comment l'élever au-dessus de trône lit ça nous pas il y a pas demandé by ça il y a pas demandé par exemple comment ou qui j'en mets Allah lié ou comment lié non il y a pas posé question comment à propos de Allah subhanahu wa ta'ala il y a pas non plus fait tashbih c'est-à-dire il y a pas fait ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et créature et voilà ta'til c'est-à-dire il y a pas essayer de nier réalité attribuée, ou affirmer, ou j'en ai rien, et ou pas changer sens là. Par exemple, ou pas dit, par exemple, la main c'est le pouvoir, ou la main c'est la grâce, ou l'élévation sous le trône c'est la prise du pouvoir, du trône, ou etc. Ou pas fait, on sort de fausses interprétations comme ça, ou pas vidé. Attribué de sensio, yo accepté sensio, j'en ai dans la langue arabe là. Hein? Et ça, Cheikh Landi, il dit que, après, le sens apparent de attribuer Allah subhanahu wa ta'ala, le sens apparent qui vient dans la tête, moun kap essaye faire ressemblance entre Allah et création li, eh ben, sens apparent ça, nous nier à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que, c'est pas ça. Les nouveaux que par exemple Allah dit que le bon mais puis qu'on monde qui vient qui pensait que non qui imaginait dans tête lui que mais que Allah mentionnait assez ces mêmes gens avec mais êtres humains ou mais animaux et ben nous dit oh non c'est pas ça Allah subhanahu wa ta'ala t'a voulu parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas semblé créature lui et laisse qu'un mythe chez c'est-à-dire il n'y a rien qui même gens avec Allah subhanahu wa ta'ala qui qu'a comparé avec Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'ul basir c'est lui-même qui l'audient et le voyant et après il dit mais position que nous prend à propos de verset ça c'est même gens imam islamio grand savant islamio t'a dit parmi imam ça l'imam Naïm ibn Hamad al-Khuza'i et imam ça son grand imam parmi premier siècle c'était le cheikh de l'imam al-Bukhari c'est-à-dire c'est l'imam qui était professeur Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, qui était écrit le livre Hadith Sahih Al-Bukhari, tout Hadith authentique. Al-Bukhari, c'est lui-même ses professeurs. Lui. Parce que l'imam Al-Bukhari, t'es gagné plus que 1000 sheikhs, t'es gagné plus qu'un millier de professeurs qui t'ont enseigné les hadiths. Et bien, parmi les professeurs, ça y est, et bien, t'es gagné Imam Saki Tirini, Naïm ibn Hamad Al-Khuzai. Et ça, Imam Al-Khuzai, Hamad ibn Naïm ibn Hamad Al-Khuzai, qui ça le dit? Il dit quiconque fait une ressemblance entre Allah et sa création, kafar, c'est-à-dire les rejeter vérité, les rejeter la foi, c'est-à-dire les pas croyants, les pas sont mécréants, les kafir, kafar. Après il dit wa man jahada, quiconque a nié ou a rejeté description que Allah te baille à propos de lui-même, alors ils sont faqad kafar, c'est-à-dire les rejeter la foi, sont kafir, sont mécréants, les. Donc ça c'est deux extrêmes. Moun kap fè ressemblance avec Allah, entre Allah et création li, yo mè kreyan. Et moun kap nye description Allah te baye à propos de lui-même, yo mè kreyan tout. Après li dit, wa laysa fima wasafa Allah bihi nafsahu wa la rasuluhu tashbih. Yani, nan description Allah te baye de lui-même, ou description prophète la te baye de Allah subhanahu wa ta'ala, pa gen tashbih, pa gen ressemblance. Hein? Si on moun kwe, ça c'est moi-même qui a rajouté explication ça. Si on moun kwe que qu'on ressemblance entre Allah et entre création li, dans parole Allah dans Coran ou bien dans Sunna, eh ben problème c'est dans tête li lié. C'est parce que c'est dans imagination li qu'il a un problème, parce que l'a essayé imaginer un bagage que l'a pas capable d'imaginer, que l'a pas droit d'imaginer. Hein? Donc c'est problème là, c'est pas dans parole Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas la parole prophète là. Sallallahu alayhi wa sallam. Problème là, c'est dans la tête liée. Pas de tashbih dans la parole Allah et dans la parole prophète là. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc après, Cheikh l'a dit فَمَنْ أَثْبَتَ لِلَّهِ تَعَالَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْآيَاتِ الصَّرِيحَةِ وَالْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَنَفَعَ عَنِ اللَّهِ النَّقَائِصِ فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ الْهُدَى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. Donc, Cheikh Lani dit, quiconque affirmer, quiconque affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala, ça Allah t'a mentionné parmi versets et sunna authentiques, versets clairs et sunna authentiques, façon de manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté, et qui, c'est-à-dire, yo, affirmer attribut, genre Allah t'a mentionné, yo, de façon que qui a convenu à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il est en accord avec majesté Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qui nie toute imperfection yo et faiblesse yo de Allah, hein, parce que Allah pas une imperfection, donc nous nie tout ça qui imperfection, là nous on parle de Allah subhanahu wa ta'ala, nous nie toute imperfection yo et toute faiblesse yo. Alors là nous suivons ça, nous affirmer ça, Allah t'a affirmé, et nous nier ça, Allah t'a nié, eh bien, ça veut dire que nous suivons voie de la guidance et du droit chemin. Donc ça, c'est la fin de citation de l'imam Ibn Kathir. Ok? Ensuite, donc ça, c'est résumé de Tawhid. Hein? Tout ça, nous expliquer depuis le début, livre ça. Nous expliquer trois catégories de Tawhid. Tawhid Abu Boubiya, توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه التوحيد dans les la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul créateur, le seul maître, le seul tout puissant, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, hein, celui qui donne la subsistance, celui qui contrôle toute bagarre dans l'univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et ensuite gain tawhid al-ibada, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même le seul qui méritait adoration, hein. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit d'adorer l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas le droit de prendre intermédiaire avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nous adorer Allah subhanahu wa ta'ala directement et lui seul. Hein? Nous n'avons pas le droit de prendre loi, après essayer de faire intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et loyaux pour nous prier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas le droit de prendre intercession avec saints là, nous besoin prier Allah subhanahu wa ta'ala, nous prier lui directement. Tout le monde qui a besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par un saint, il passe par une loi, il passe par un autre monde, n'importe qui bagaille, ou il passe par un tombe, ou il passe par un prophète ou un ange, il commet ça qui est le shirk. C'est-à-dire, il associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, on bagaille dans l'adoration, et ça veut dire qu'il a quitté la foi, il vient idolâtre. Il a commencé à faire shirk, et donc il n'a pas considéré tant que croyant. Là, il a fait bagaille ça. C'est peut-être ça. Mon cap suivre vaudouisant, ou mon cap suivre chrétien, mon cap prier Jésus, il a prié Jésus, il a prié Marie, il a prié Jésus, il a quoi que Jésus soit intercesseur ou intermédiaire entre eux-mêmes et Allah se prend à un nom. Jésus pas dit nous, priez pas un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Jésus t'a dit, de prier Dieu directement. Et ça, c'est le premier commandement que Allah t'a révélé, pas gain l'autre Dieu avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et troisième catégorie, tawhid, c'est tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire, faut nous unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans attributs et dans nos lieux que l'été by lui-même. Faut nous accepter et faut nous croire en ça et faut nous comprendre comme par exemple Al-Aziz, le tout puissant, Al-Hakim, le sage, Al-Qadir, le tout puissant, Al-Sami', celui qui tend de toute bagaille, Al-Alim, monde qui connaît toute bagaille, c'est les mêmes, et donc gampi l'attribut comme ça, gampi le nom, et faut nous croire dans ça yo, gain 99 non, et attribut yo gain en pile tout, faut nous croire dans attribut yo, même j'en doute ça nous sort expliqué. Donc là nous fin expliquer ça gain en rapport avec premier pilier de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ensuite Cheikh l'a commencé par les deux deuxième pilier de l'islam, c'est-à-dire la foi en les anges. Al-imanu bil malaika. Amma al-imanu bil malaika fayatadammanu al-imanu bihim ijmalan wa tafsilan, fayu'minu al-muslim bi anna lillahi malaikatan khalaqahum li ta'atihi wa wasafahum bi annahum 'ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun wa hum asnafun kathira. Donc ça Cheikh lundi ici il dit que et faut nous croire dans les anges, angels. Et ça implique que nous croyons dans l'angio d'une façon générale et d'une façon détaillée. Donc, le musulman, faut lui croire que Allah subhanahu wa ta'ala, les gains anges, que lui créer pour obéissance lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit ange sayo, et il le décrit dans verset, dans surat Al-Anbiya, les prophètes, le verset 26, 27 et 28, il dit que ange c'est serviteur honoré de Allah subhanahu wa ta'ala, yo pas jamais précédé lui de par en parole et yo agit selon ordre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire yo pas dit en parole excepté Allah subhanahu wa ta'ala te permettre yo pour yo dit parole ça. Et yo pas précédé commandement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire yo pas jamais fait un bagage excepté que c'est Allah qui ordonné yo. C'est Allah qui a ordonné, il a fait bagaille ça. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à faire rien sans permission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces créatures obéissantes, il n'y a pas jamais désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui connaît ça qui est devant, ça qui est dans le dos. Et, c'est-à-dire, ça qui est devant, ça qui est derrière, dans l'avenir et dans le passé. Et, il n'y a pas qu'à intercéder pour au monde excepté si Allah subhanahu wa ta'ala était agréé personne ça était satisfait de monde ça. Si Allah pas agréé en monde, s'il n'est pas satisfait en monde, ange Yopapka intercédé au jugement dernier pour Mounsa. Et il est rempli de crainte. Il est rempli de crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ange il a crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est la description Allah Teba à propos de ange dans le Coran. Et il y a l'autre verset tout, mais Cheikh lui-même, son résumé là-bas. Après, qui ça, il dit, Wahum asnafun kafira. منهم موكلون بحمل العرش ومنهم خزنة الجنة والنار ومنهم موكلون بحفظ أعمال العباد ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله. Donc Cheikh Lan dit que il y a différentes catégories d'anges qui existaient, hein, anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et les chargeaient pour porter trois lits, hein. Travail, c'est que yo supporté ou yo porté trône Allah subhanahu wa ta'ala. Gain l'autre ange que Allah t'a créé qui en charge de préserver ou gardien, il a fait gardien dans le paradis puis dans l'enfer. Donc c'est gardien yoé dans le paradis et dans l'enfer. Et gain l'autre ange tout qui gain on l'autre charge, on l'autre responsabilité, c'est que yo il prend note de toute action serviteur Allah subhanahu wa ta'ala et toute action et toute parole que il dit ou action que il fait. Donc chaque être humain, il y a deux anges avec lui qui a écrit ça l'a fait. Il y a un ange qui a écrit tout bon bagage que l'a fait et il y a l'autre ange qui écrit toute mauvaise action que on fait et toute mauvaise parole que on dit. Et au jugement dernier, ben au jugement dernier, ange yo pral remettre ou livre tout ça ou t'es dit, tout ça ou t'es fait, ou pral ouais, ou pral lit tout ça ou t'es fait, ou pas qu'à vin dit, non, c'est m'pas de faire ça, ou m'pas de dire ça, tout bagay yo écrit dans le livre là. Ensuite, Cheikh Lan dit, wa nu'minu ala sabil al-tafsil biman sama Allah wa rasuluhu minhum, ka Jibril wa Mikaïl, wa Malik wa Khazin al-Nar, Malik, وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وقد جاء ذكرهم في أحاديث صحيحة وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Okay. Donc ici Cheikh Lan l'a dit après que ça c'est en croyance générale en tout angio, mais gain on l'autre en même temps nous supposer également croit, un musulman supposé croit, en détail, ça, Allah subhanahu wa ta'ala a été mentionné au sujet de ange. Par exemple, gain ange que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné non yo, et prophète là également a mentionné non yo en détail. Prophète là sallallahu alayhi wa sallam, mentionné par exemple, ange tankou Jibril. Jibril, comme Jibril, c'est Gabriel, c'est un ange qui est chargé de transmission de révélation. Allah subhanahu wa ta'ala et qui révélait message à prophète yo. Mikaïl, son l'autre ange tout. Et puis, il y a l'autre ange qui révélait Malik. Et ange ça, c'est lui-même qui, parmi, gardien enfer là. Et il y a l'autre ange qui révélait Israfil. Et Israfil lui-même, son ange qui chargé de souffler dans le corps ou la trompe au jugement dernier, c'est lui-même qui pourra le souffler là-dedans lui pour annoncer l'établissement du jugement dernier. Et gain en pile hadith authentique qui mentionnait l'autre ange tout et qui mentionnait l'autre détail à propos de ange. Et gain hadith authentique qui rapportait selon Aïcha radiyallahu anha qui expliquait que prophète là sallallahu alayhi wa sallam t'a dit. Donc prophète là sallallahu alayhi wa sallam t'a dit خلقت الملائكة من نور أو خلقت الملائكة من نور. Angéo t'est créé de lumière, à partir de lumière. Et djinnio t'est créé à partir de feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'est créé Adam à partir de ça, il était mentionné nous, c'est-à-dire à partir de la terre. Donc, les créer être humain à partir de la terre, les créer djinnio à partir de du feu, et les créer angéo à partir de lumière, il y a trois origines différentes. Et ensuite de ça, hadith ça est mentionné par l'imam muslim dans Sahih Muslim. Ensuite, Cheikh Lan dit wa hakadha al-iman bil kutub yajib al-iman ijmalan bi anna Allah hakadha al-iman bil kutub yajib al-iman biha. Yani donc là Cheikh Lan lui-même qui s'est fait là commence à expliquer la foi en livio. Un livre de la révélation. Nous-mêmes, nous pourrons arrêter là, Kounia, pour tout de suite, parce que si nous commençons à expliquer détail la foi en livio, nous obligé de continuer en l'autre 30 minutes, et puis nous besoin prendre une pause là, Kounia, puis, Inch'Allah, nous arrêter là, puis nous continuer, Inch'Allah, nous faisons l'autre cours bientôt, Inch'Allah, pour nous terminer la suite de la foi en les livres. Inch'Allah. Donc, n'a prêté ici, Inch'Allah, pour maintenant. Puis, n'a continué les flanants en l'autre cours que n'a guettant, Inch'Allah, n'a continué les là. Donc, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, wa subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa jazakumullahu khayran.